بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان يوم الدين. طيب نصوب التدريبات من الدرس السابق. أولا الكلمات، ما معنى بيانات؟ كاملة. مكتب الطرود. مستعجل. طيب ايش كان يوجد اليوم؟ اشار يشير. اشار يشير انديكي. هنأ. المصيب بالنزل. نعم. النجاح. النجاح سي سبحان الله. النجاح سي La réussite, tout succès. Ah ouais, la réussite, c'est... Akhbara yukhbiru. Akhbara yukhbiru, ça c'est... Akhbara yukhbiru, oh, est-ce qu'on est... Informé. Naam. طيب, وكذلك... تمرين كم اليوم؟ الرابع. لا الثالث فعلناه معا ونفهمهم. الرابع. طيب الجملة الأولى. ذهب محمود إلى السكن من المدرسة. مدرسة. J'ai fait par sélection en fait. Je pense que ça va être cool. لا صحيح لكن c'est par sélection, c'est toi qui se répète. C'est. Il y en a qui se répètent, je crois. Voilà même. Parce que j'ai pas compris سكن. C'est quoi ça, c'est l'habitation. Non, dortoir. Dortoir. ثانيا وصل إسماعيل بالحافلة. نعم ب. ثالثا سأل إبراهيم الموظف عن مكتب البرقية. نعم. رابعا وضع أحمد القلم في الحاكمة. نعم. خامسا جلس علي في المكتبة ليقرأ صحوفا. ليقرأ صحوفا. نعم. سادسا كتب المدرس على السبورة. سبورة. سبورة. طيب ما فيش كتب با. نعم. شكيت أن قوين سلفوا. طيب أسئلة عن أي شيء سأل إبراهيم الموظف. سأله عن المكتب البرقية. نعم. أين مكتب البرقيات؟ هو أمام مكتب الطرود. هو أين؟ أمام المكتب. يا بال ما في ألف ولام. المضاف مضاف إليه. المضاف يكون بعد ألف واللام. إذا أنت يمين ضمة سكن ضمة. أمامة. أمامة ثم. مكتبي. نعم مكتبي. مكتبي الترود. نعم. ماذا ملأ إبراهيم؟ ملأ بيانات كاملة. انكسرة. بس كنت في منصوب سلي ك جم مؤنث سالم سيك الكسرة. فما بات فتحة كم من الأخرى. C'est parmi les exceptions. كاملة. نعم. رابعا لمن سلم إبراهيم البرقية؟ سلم الموظف. لمن سلم إبراهيم البرقية؟ سلم موظف البرقية تالية. لا السؤال قال لمن أكي سلم إبراهيم البرقية؟ سلم سلم لا تعرفون سابقا لا سابقا إليه حرف جر لمن إذن سلمها للموظف. نعم. خامسا إلى أين أرسل إبراهيم البرقية؟ يريد أن ما قال إلى أين يريد؟ قال إلى أين أرسل إبراهيم البرقية؟ أرسلها إلى القاهرة. القاهرة طيب. سادسا لماذا أرسل إبراهيم البرقية؟ طيب فأنت حاول تجد بنفسك اقتراحا تكون سوجيسيون بوكو لو غابال السبب اذكر سببا ايوه سوجيسيون ان توتي بروبابل نعم inventif quoi. Franchement, je parce que déjà, j'ai même pas le texte là, je sais même pas. Pour moi, je vois qu'il va juste à la poste. Ah ouais. La quinte sont dit pourquoi t'envoies un télégramme. Télégramme. C'est pas pour prendre en garde en général. Ouais, je sais pas. C'est pour prendre de nouvelles des gens ou informer d'une chose. Ouais, ça. Ouais. Fanien. Maza tafailou. On avait dit qu'on faisait celle-là ou on ne faisait pas? Non, t'as dit qu'on ne faisait pas. Ouais, non, ce qui me semblait. Mais moi j'ai lu, j'ai pas compris pourquoi tu voulais pas. Parce qu'il va falloir beaucoup inventer de choses. Donc, on va le laisser. طيب, il y a le thalif. املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة بما يلي. الجملة الأولى لم تكتب تكتب لم تكتب رقم Sunduki. Sunduki Baridi, Uktub, Uktubil Ghunwan, Ghunwan, Kamila. Naam. Kamila. Tu n'as pas écrit le numéro de la boîte postale, écrit l'adresse complètement. Oui. Akada. Anna Ali Ibnahu Bi Naja. Bi Naja, Nam. Que Ali a annoncé la bonne nouvelle à son fils qu'il a réussi. On l'a félicité pour sa réussite. ثالثا أسبك يشير الموظف إلى الشباك شباك المجاورة نعم que l'employé indique vers la fenêtre avoisinante à côté. طيب الآن سندخل في الوحدة الخامسة cinquième unité من الموضوع الرابع وهذا هو الدرس الرابع عشر Quatrième leçon. Bi'unwan, Omar, Marid. Omar est malade. Marid, ça veut dire malade. Voilà, ma'rouf. Tayyib. Al-Kalimat, Al-Jadida. Hadatha, Yahdouthou. Là, c'est le même sens que Hassara, Yahsoulou. Sans, Ala. Est-ce que tu te rappelles, ça veut dire quoi? Quand on lève Ala. Là, ça veut dire Ala. Yahsul Kaza ou Yahsul Kaza, ça veut dire quoi? Non. Là, il a le même sens que Hadatha. Il s'est produit, il s'est passé, il s'est... ce qui est arrivé. Non. Et quand dans Sahel, vous croyez que ici, il y a Hadathana, c'est ça? Là, ça a le même sens. Si on m'a dit. On m'a raconté, on m'a cité. Taïeb. Muntasif. A Muntasaf. Leil. A Muntasaf tout seul, c'est au sens de la moitié. Quand on dit Muntasaf Leil, c'est minuit en fait. Moitié. Sha'ara. Yesh'uru. Ça veut dire ressentir. Ou se rendre compte aussi. Mais là, s'il veut dire, c'est ressentir. Humma, la fièvre. La fièvre. Alamun, c'est douleur. Alam, douleur. Bottom, ventre. Et tassola, yattassilo, ça veut dire quoi? Téléphoner. Non. À la base, c'est pas seulement téléphoner, c'est se mettre en contact avec quelqu'un. Ou se lier à quelque chose, mais là, le sens voulu, c'est téléphoner. Il faut rajouter hafjar, ou bi, ou li. T'as ittassaltu bihi, ou tassaltu lahu. Pour dire, je vais l'appeler, par exemple. Al-Isaaf. Al-Isaaf, c'est yani assistance, secourisme. Si on te dit par exemple, Sayyaratu al-Isaaf, c'est une ambulance. Le fait de transporter un malade ou un blessé. Ou en urgence, peut-être. Al-Shifa. Guérison. Al-Shifa'u, guérison. Al-Ajil, urgent. Également. Al-Ajil, urgent. Tout ce qui amène une chose qui va vite. Ma'ana Moustardjil. Tu rappelles Moustardjil ? Moutakarib, c'est un synonyme. Tamanna, yatamanna, c'est espérer une chose. Normalement, tamanna, c'est espérer une chose qui est dure à obtenir. ou peut-être pas possible. Pour être plus précis. Dans le djinn, c'est un mot correct, ça ? Non. Ah ouais. Non. Le Coran dit « وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا مَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ » qui n'espéraient pas avoir la mort parce qu'on a conclu leur main en parlant des juifs. Layl, la nuit. Takallama et takallamu, parler. Jalisun, c'est quoi Jalis? Naam, de quel verbe? Naam. C'est pour celui qui s'assoit, c'est être assis. Être assis. Mm. Waqif, c'est quoi? Waqif. Waqif, c'est ism fa'il kadhalik. De waqafa yaqifu, qui veut dire ou être debout ou s'arrêter. Ouais, c'est ça. Être debout. Quand on dit waqif, là, c'est le contraire de jalis. Ja'i', c'est l'ism fa'il de ja'a yaj'u, qui veut dire avoir faim. Donc ja'i', c'est quelqu'un qui a faim. On peut dire jou'an aussi. Tahaddatha, tahaddathu, discuter. Parler aussi un peu. Qarib in takallama. Tahaddatha, ce serait plus discuter. Masha yamshi. Naam. La'ibun, c'est. La'ib. C'est un quel verbe? C'est ism fa'il. La'ib. La'ib. Ah oui, c'est la'ib. Attends. Enlève la lettre qui est en plus, et t'as les trois lettres d'origine. La'aba. Aïe, ouais. Et en fait, le verbe c'est laïba, jouer. Laïba, il y a l'arabou. Ouais, mais là. Et laïb, c'est critique. Dans ce qu'on avait vu, c'était pas juste les verbes à la wazna fa'ala pour les ismoutaril là qu'on avait vu. Ah, ouais. C'est juste pour fa'ala, mais laïbou, c'est. C'est pareil. C'est vrai. On a dit les verbes à trois lettres. Qu'ils soient avec une doma ou une kasra ou une fatra. Ouais. Tous les trois lettres, ils viennent à la wazna fa'il. La haraka la anabwa. Le nombre de lettres qui envoie. Naam. Naimun, c'est de Naama ya Naimu, qui veut dire dormir. Donc Naimun, quelqu'un qui dort. Et l'aïba, c'est quoi? Quelqu'un qui joue? L'aïba, c'est jouer. Donc ils sont fa'il, t'en déduis le sens. Akala yakulu, manger, ma'alouf. Raja'a yarji'u, ça veut dire quoi? Rappelle-toi. C'est le même sens que Aada Yaoudo. Quitter, non ? Non. C'est le même sens que Aada Yaoudo. Même Aada Yaoudo. El Aouda. On l'a pris ? Revenir. Marid, on l'a dit, c'était malade. Amsi, hier. C'est-à-dire hier. T'as une chose de l'histoire. Anas Akra, Othman, Wanta, Ali, Tayeb. إنما نحن سنزيد السلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا علي أين صديقك عمر donc bienvenue علي où est ton ami عمر أهلا هو مريض جدا. Donc il est très malade. متى حدث ذلك؟ كان عمر يجلس معنا أمس إلى منتصف الليل. Donc il dit quand est-ce que cela est arrivé, c'est produit. Hier il était avec nous jusqu'à minuit. Donc regarde là, il a mis كان. Il était assis avec nous en fait, c'est ça? نعم. Il est en notre compagnie quoi. Voilà. Amis jusqu'à minuit. Ali. لقد شعر بحمى. حمى. بحمى. ينشد سلمين. لقد شعر بحمى وألم في بطنه بعد أن رجع إلى السكن. Donc il dit il a ressenti de la fièvre et une douleur dans son ventre après être revenu au dortoir. وهل ذهبتم به إلى الطبيب؟ Êtes-vous allé avec lui chez le médecin? نعم اتصلنا اتصلنا نعم اتصلنا بالإسعاف هاتفية ليأخذه للطبيب. نعم. Donc il dit oui, nous avons appelé l'ambulance. Quand il dit hatifiel, c'est pour préciser en fait le tisol qui a eu lieu par téléphone. Mm-hmm. Comme on a dit tisol, mm-hmm. à la base c'est pas forcément téléphone. Ah ouais. Mais aujourd'hui, si on n'a pas besoin de dire sans dire hatifiel, on va comprendre. Mais c'est pour préciser. Ah. Vous voyez. Mm-hmm. Donc il dit on a appelé par téléphone l'ambulance pour qu'il la prenne au médecin. Ahmed يقول اتمنى لو الشفاء العاجل. Donc je lui espère une guérison rapide. Si ça veut dire arjou, ça aurait été mieux. Parce que tamanna, c'est plus espérer une chose qui est très dure, presque impossible. Donc le qual arjou lahu lakana ahsan. Wa le qual shafa'ahu Allah lakana ahsan min ahsan. Tu fais un dua pour lui. طيب. مفهوم النص؟ ثم يقول أولا استمع وردد. Donc là il va donner des exemples de phrases avec كان. Ça veut dire quoi كان? À la base tout seul. Être. Mais quand on rentre dans une phrase avec une autre phrase derrière, il change le temps du verbe. مثلا يقول الآن كان عمر يجلس معنا. Ça serait traduit par Omar, voyez, s'asseyait avec nous. Ça revient à une forme d'imparfait en fait. Ça revient à une forme d'imparfait. Quand tu viens un autre verbe moudolia derrière, Taman, ça vient à une forme d'imparfait. Si on avait dit Omar, jalasa ma'ana, c'est Omar s'est assis avec nous. Ça se trouve, c'est passé une seule fois. Mais quand on met kana, c'est comme si c'est une chose habituelle. Mais comme l'imparfait un peu. Et l'aime, qu'on avait vu, c'est quoi ça? Ça aussi, c'est la négation. Négation au passé. Au passé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas de négation, là. Ma fille, nafiouna. Thanien, kana Ibrahim yatakallam bil hatif. Ibrahim parlait au téléphone. Ibrahim parlait au téléphone. Thalithan, kana Salimun yajlisu ala al kursi. Salim, ça y est, s'asseyait sur la chaise. Et ça peut aussi mettre par en train d'eux. Par exemple, Kana Salim sur la coursie, Salim était en train de s'asseoir sur la chaise. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Ça dépend si tu mets une autre phrase derrière. Kana Abdullah yaktubu risalatan. Abdullah écrivait une lettre. كان محمد يقرأ في الكتاب. محمد lisait dans le livre. كان خالد يتناول طعاما. خالد prenait le repas. Ce serait plus la nourriture, mais là on va dire le repas. كان يوسف يشتري عصيرا. يوسف achetait du jus. Donc ça c'est quand كان là en fait Regarde, la première phrase, il y a quoi ? Kana Omaru yajlisu ma'ana. L'origine de la phrase, en fait, c'est on a mutada et un khabar. Enlève Kana. La phrase, c'est Omar yajlisu ma'ana. Omar, là, c'est quoi ? C'est mutada. Le khabar, c'est la jumla fi'liya. Yajlisu ma'ana. Et Kana, c'est un verbe qui rentre dans la jumla ismiya, comme celle-ci, et qui change de temps. Et là, Omar, Kana Omar et Jisou Ma'ana, Omar, c'est pas un fa'il là. Il a le sens du fa'il, mais en Nahou, on n'appelle pas fa'il, on l'appelle Ism Kana. Mais dans sa fonction, il est comme un fa'il. Mais on n'appelle pas fa'il, c'est un truc spécial. Pour Kana ou Akhawat Kana. Kana, elle a aussi des sœurs comme Leïsa ou Asbaha, comme on a pris pas trop longtemps. Des verbes qui font le même travail que Kana. Tu verras ça dans la Jurumiya, Inch'Allah. Et le nom marfou qui vient derrière, c'est pas un fa'il. On l'appelle ism, ism kana. Bien que, comme je dis dans le sens, il est comme un fa'il. Et le khabar d'origine, il devient khabar kana. En fait, la phrase là, elle a trois piliers. Kana, le verbe. Omar, ism kana. Wa yajisu, khabar kana. C'est les trois piliers de la phrase. Maintenant, il va faire la même chose avec Kana, seulement, là, maintenant, le khabar de Kana, c'est ism mufrad, c'est un nom seul, singulier, c'est plus une phrase. Yaqul, thaniyan, istami' wa raddid. Kana mahmoudun jalisan. À la base, c'est quoi ? Mahmoud jalis. Mahmoud est assis. Kana mahmoud jalisan, Mahmoud était assis. Maintenant, Mahmoud, il devient quoi ? Ism Kana. Et jalisan, il devient quoi ? Khabar Kana, il est mansoub. Il ressemble au mafoul bihi, mais on l'appelle pas mafoul bihi. On l'appelle ism Kana. Taïb, et Khabar Kana, on l'appelle Khabar Kana, fois. J'ai dit ism Kana. Khabar Kana. Ism Kana, c'est Mahmoud. Et Khabar Kana, quand il est tout seul, il est mansoub. Comme un mafoul bihi. Ism Kana, il est comme un fa'il mafoua. Et l'origine, comme on l'a dit, c'est quoi ? Mahmoudun Jalisun. On a entré Kana dedans. Ça fait quoi ? Kana Mahmoudun Jalisun. Et Jalisun, lui, c'est un khabar. C'est khabar Kana maintenant. Avant, c'était un khabar tout seul, normal. Maintenant, c'est devenu un khabar Kana. Et khabar Kana, il est mansoub. Thaniyan, Kana Mahmoudun Waqifan. Donc, Mahmoud était debout. L'origine, c'est Mahmoud Waqif. On a mis Kana dedans. Par exemple, regarde. Ça veut dire quoi ? Asbaha, devenir. Asbaha, devenir. Ouais. On prend la même chose. Mahmoud Jalis. Taïeb ? Après, on Asbaha. Asbaha Mahmoud Jalisan. En fait, c'est maintenant, Mahmoud est debout. On va pas dire devenu debout. Tu vois ? On va dire s'est levé. On ne peut pas dire pour moi, il est devenu debout. Donc on va dire, Mahmoud s'est levé, en fait. Ou s'est mis à se lever. Akada. Il y a d'autres verbes qui font la même fonction, tu les prendras, Inch'Allah, plus tard. Falifan, Kana Mahmoudun Ma'ashiyan. Mahmoud, marcher. Mahmoud, ism Kana, wa Ma'ashiyan, khabar Kana. Rabi'an, كان محمود مسافرا. طيب محمود était en voyage en fait. خامسا كان محمود عائدا. محمود revenait ou était de retour. On peut pas traduire mot pour mot là. سادسا كان محمود جائعا. محمود avait faim. سابعا كان محمود مريضا. محمود était malade. مثلا لماذا ما أتى خليل أمس كان خليل مريضا. طيب ثانيا عجيب كما في النموذج. Donc النموذج يدي كان محمود يجلس معنا. entre parenthèses, maintenant il veut que tu fasses la même phrase avec le verbe entre parenthèses et en dessous qui est yal'ab. Ça deviendra quoi? Kana Mahmoudun yal'abu ma'ana. Vous voyez, Mahmoud joue avec nous. Donc là maintenant tu fais pareil, en prenant Kana Mahmoud, tu mets le vrai entre parenthèses. Et tu mets ma'ana. Ma fi ma'ana. Tu peux mettre ma'ana derrière. Tfaddal. Yusafiru. Kana Mahmoudun yusafiru. Yusafiru ma'ana. Non, Mahmoud voyageait avec nous. Et là, on le voit en dessous, mais là, on le voit. Là, ça, c'est un verbe. Là, c'est une phrase entière. C'est plus un mot tout seul. Ah ouais. C'est une règle aussi que tu apprendras, parce que pour en faire trop dans le livre, ça sortirait du sujet. Mais là, c'est une phrase entière. Avant, c'était un mot tout seul, pas pareil. Thanian Yadrous. Naam. Kana Mahmoud Yadrousou Ma'ana. Naam. Mahmoud étudie avec nous. Kana Mahmoud Yamshi Ma'ana. Naam. Mahmoud marchait avec nous. Kana Mahmoud Yadahaddatou Ma'ana. Mahmoud discutait avec nous. Mahmoud embarqué avec nous, monté avec nous. Kana Mahmoud yakoulou ma'ana. Mahmoud mangeait avec nous. Maintenant, il va faire pareil avec un ism mufrad, avec un mot seul, isolé. Rabi'an, ajib kama fil namouzaj. Al namouzaj, kana Mahmoudun jalisan. Entre parenthèses, il veut que tu prennes le mot waqifan. Donc tu vas dire quoi? Kana Mahmoudun waqifa. Faddal, jumla l'oula. Musafira. Kif taqoul? Kana Mahmoudun musafiran. Naam. Kana Mahmoudun aïdan. Aïdan, c'est l'ism fa'il de quel verbe? Si tu arrives à déduire. Aïdan. Naam. On avait dit de revenir, Aada. Aada Yaoudou. Aada. Aada. Yaoudou. Naam. Aada. Kana Mahmoudun Naiman. Naam. Naiman, ism fa'il de quel verbe? De Nama. Nama. Naam. De rien. Rabi'an. Kana Mahmoudun Qadiman. Naam. Qadiman, ism fa'il de quel verbe? Qadima. Il y a deux mots qui veut dire arriver. Khamisan, Zahiban. Kana Mahmoudun Zahiban. Mahmoud, en fait, on va dire, s'en allait. Sadisan. Kana Mahmoudun Zahiban. Naam. Tayyib. Aliman, mets-le-moi. Aliman. Aliman. Kana Mahmoudun Aliman. Naam. Hafidhan. Kana Mahmoudun Hafidhan. Naam. Taliban. Kana Mahmoudun Taliban. Naam. Maintenant je te mets un autre mot, c'est pas ism fa'il. Salafiyan. Salafiyan. كان محمود سلفيا ايوه ولا زال سلفيا ان شاء الله اي نسس دت سلفي سي با فورسمون ان فيرب اون فيت سا كي تو كومبونس سي با فورسمون كي ان فيرب ابري كان اي بو يبو ريتروف اون فراز دو كومون باغ اكزومبل سلفيا سي با ان فيرب سي با اسم فاعل سلفيا سي با اسم فاعل ouais, c'est un ism-fa'il. Non, c'est pas ism-fa'il. Hein? Pas ism-fa'il, salafi. Salafi, c'est un ism, ça. Ah ouais, ism-nasab. C'est un mot d'appartenance, comme Francie. Ah, mais ça, c'est pas comme Jalisan. Ah ouais, c'est pas ism-fa'il. Il rentre dans n'importe quel mot. Ism-fa'il. نعم. خامسا إن الفراغات في الجمل آتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي. Donc remplis les trous par les phrases suivantes en choisissant les mots qui correspondent dans ce qui suit. Donc t'as ذاهبا, ماشيا, مسافرا, نائما, جالسا. Et toi tu remplis dans les trous, inshallah. هذا لغد. سادسا سل كل كلمات من كلمات مجموعة ألف بمرادفها من كلمات مجموعة ب كما في النموذج. Donc il veut que tu lis entre les mots de la colonne ألف avec son synonyme. Mais ça, c'est pas contraire. مرادف c'est synonyme. Des mots dans la colonne B. Comme dans l'exemple. L'exemple, il a dit quoi ? عائدون c'est le synonyme de راجعون. C'est quoi ? مرادف ? نعم, synonyme. عائد ça veut dire راجع. فهذا كذلك تفعله في البيت إن شاء الله لغد. وكل كلمة معروفة إن شاء الله تكون tous les mots qui sont présents. سابعا استخدم كل كلمات من كلمات آتية في جملة مفيدة. Donc utilise les mots parmi les mots suivants dans des phrases مفيدة. إسعاف منتصف بيضاء بطن النجاح كيل. كيل est le mot là, il peut-être l'a pas dit avant. Un كيل c'est une mesure. Un كيل c'est une mesure. يعني chez les Arabes ou autres que les Arabes sûrement, tu pouvais savoir la dose des choses de deux façons, par le poids et la mesure. Poids, c'est wazn. Et la mesure, c'est keil. Quand on dit mesure, c'est pas mesure une distance. Par exemple, un poids, c'est au kilo, ou des choses comme ça, avec une balance. Par exemple, tu dis kilo de tomate, c'est un kilo de tomate. Et bien, par exemple, un sa, comme lorsqu'on fait le Eid al-Fitr. Vous voyez ? Le zakat al-Fitr, c'est combien ? Arba. Ça, c'est quoi ça? Un ça, c'est quoi un ça? C'est deux mains, comme ça. Et ça, c'est un keil, ça, en fait. Et cette façon de faire, ça s'appelle keil. C'est une mesure, en fait. C'est-à-dire, tu prends un ça de pâte, par exemple, un ça de farine, si tu le fais en balance, ils n'ont pas le même poids. Ouais. Mais par voir tes mains, c'est la même mesure. C'est la même dose. Tu comprends? Comme demain, quelqu'un te dit, ouais, je t'ai vendu un sac de patates, par exemple. En fait, tu ne vas pas prendre par rapport à au poids des pommes de terre, mais par rapport à la capacité de contenance du sac. Par exemple, demain, tu dis, il y a un quart entier de salafi qui est venu. Il y a un quart entier. Tu ne connais pas le poids du quart, tu vois. Mais tu vois la quantité par rapport, en fait, un quart, c'est gros. Donc, quand c'est rempli de gens, tu dis, ah, c'est un grand nombre, ouais. Mashallah. Ouais. Donc, ça, le keil, c'est une forme de mesure. C'est pourquoi là, ça vient, c'est tu fais une phrase. Ah, tu mets ces mots dans une phrase. مفهوم هذا؟ طيب، فلك تفي بهذا ونقول والحمد لله رب العالمين.